contre mes rêves. Je garde la tête haute. Chaque bataille en cache une autre. Ma douleur est muette. Je n'aperçois le bonheur qu'en silhouette. Je voudrais m'arrêter, souffler. Mais y'a toujours un train que j'ai peur de louper. Je dois tout arracher avec rage. On dirait que je suis né un soir d'orage. La pluie fait pousser mes peines. Toute ma vie, j'ai attendu l'arc-en-ciel. J'apporte un sourire de fortune qui s'évanouit dans une vague d'amertume. Allô, allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Allô, est-ce que quelqu'un me ressent? J'ai pas le choix, j'ai pas le choix, frérot. Je dois rester en vie. Pas le choix, j'ai pas le choix, frérot. Je dois rester en vie. Pas le choix, j'ai pas le choix, frérot. Je dois rester en vie. Pas le choix, j'ai pas le choix, frérot. Je dois rester en vie. L'océan dans les yeux, je voudrais plonger mes idées noires dans le bleu, mais les rêves ne flottent pas sur du ciment. Et puis, on n'est pas heureux en le simulant. Je sais, tout le monde me croit fort. J'ai l'air d'un vivant parmi les morts. Et je suis censé veiller sur les miens, bien sûr. Mais personne me demande si je vais bien. Personne me demande comment je tiens. Comment je fais face à mon destin. Comment je ris encore. Comment je pleure. Comment mon cœur bat encore. Comment je meurs. Personne au bout du fil. Je serai seul dans la ville jusqu'au dernier épisode. Frérot, frérot, je dois rester en vie. Demain, le soleil se lève sans me demander mon avis. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix, frérot. Je dois rester en vie. Pas le choix, j'ai pas le choix, frérot. Je dois rester en vie. Pas le choix, j'ai pas le choix, frérot. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix, vraiment. J'dois rester en vie.